Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Déguisé. Tu sauras, Picard, que je ne suis pas déguisé, mais élégamment vêtu pour la circonstance. Quoi? Non, monsieur, je ne joins pas le cirque de la groseille. J'ai décidé d'être un auteur, un vrai, un romancier. Fini les chroniques débiles sur des sujets foireux. Fini la dentelle, le steak tartare et autres élucubrations. À moi la gloire, des honneurs et les millions. J.K. Rowling n'a qu'à bien se tenir. Oh, veuillez m'excuser, cher monsieur. Je vous extrais de la douche. Mais pas du tout. Ah bon? Oh, j'ai saisi. Vous vous apprêtez à y entrer. Je repasserai. Mais non. Ah bon? Vous vous préparez pour un bal costumé? Non. Vous voulez frayer quelqu'un? Non. Du jointeau? Non. Vous vous êtes converti au bouddhisme? Non. Vous perdez vos cheveux et vous vouliez voir à quoi vous ressembleriez une fois chauve. Nope. Vous ne rejoignez tout de même pas un cercle. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Nom de Zeus, j'ai simplement décidé de devenir écrivain. Un vrai. Et c'est pourquoi vous sortez de la douche? Je ne sors pas de la douche, remords de remords. Je veux bien vous croire, cher monsieur, de tout mon cœur. Alors... pourquoi la robe de chambre à rétine et le casque de bain? Pour me mettre dans la peau d'un écrivain, diantre. Un vrai. Parce que les vrais écrivains sont ainsi vêtus. Pas tout à fait. Mais presque. Comme je n'ai pas de veste de tweed... Vous avez endossé la robe de chambre à rétine. Et le casque de bain? Ben... vous allez rire, mais j'ai lu sur Internet que ça aidait à concentrer les idées. Elle a la pression sur les méninges, vous savez. Et puisque vous l'avez lu sur Internet, ça ne peut être que scientifiquement prouvé. Et que voulez-vous écrire? Je ne sais pas encore. D'où le casque de bain. Je vois. Il vous faudrait un sujet inspiré et inspirant. Avec des valeurs morales en béton. Oh, j'ai trouvé! Pourquoi ne pas écrire la vie du Christ? Vous ne pouvez pas avoir plus moral que ça, assurément. Si je ne m'abuse, ça a déjà été fait, non? Le Nouveau Testament, ça vous dit quelque chose? Oh, bien sûr. Suis-je bête? Alors, peut-être la vie de Malvina? Non, ça ne va pas non plus. Nous en avons déjà à la pelletée des biographies de Malvina. De toute façon... je ne suis pas particulièrement attiré par les biographies. Non. Ce que j'aimerais, là, c'est écrire un grand roman. Une épopée. Une fresque grandiose. Du genre Ben-Hur ou Les Dix Commandements? Plutôt Les Misérables de Hugo. C'est pareil. Oh! Je sais où trouver le sujet de votre livre. Vous connaissez déjà notre excellente publication. Rendormez-vous, je crois. Oui, en effet. Je suis certain que nous y trouverons ce qu'il vous faut. J'ai trouvé le pape et le scandale des Gondons. Non. La Vierge Marie était-elle vraiment vierge? Les voies de Dieu étant impénétrables, je crois que j'éviterai d'approfondir le sujet. Les bienfaits de la prière? Non, impossible de faire un roman avec un sujet pareil. Je crois que... non. En fait, je viens de décider que mon roman ne traiterait pas de religion. Pas du tout? Non. Ça m'évitera de me mettre à dos tous les intégristes du monde. Ils sont nombreux. Soit. Je ne peux pas vous intéresser à notre... non, merci. Ça m'aurait étonné aussi. Eh bien, bonne chance dans votre nouvelle entreprise, mon cher monsieur. Et que Dieu vous garde. C'est ça. Bonne journée. avec tout ça, j'ai oublié de lui demander comment il s'était remis du petit gueuleton que je lui ai servi la dernière fois. À vrai dire, il paraît complètement remis et égal à lui-même. Bon, ce n'est pas tout ça. Pour être un auteur à un prêt, ça me prend une idée. Une bonne idée. Peut-être qu'un peu de musique... Sans trop savoir quoi dire. Sur ses lèvres, un timide sourire, quelque peu rempli des mois. Au loin, la cloche d'Etta peut accouter. Tu m'en fais peur, mon jeune! Et que s'est-tu fait, quand même? Il était malade? Non, pépère. J'ai décidé de devenir un vrai écrivain. Ah, ben, mon jeune, t'es bien parti? Ils sont toujours un brin bizarre, ce monde-là. Ils sont trop dans du ciboulot, je dirais. C'est possible, pépère, c'est possible. Et si tu veux écrire, mon jeune? Je sais pas trop encore. J'aurais bien une couple de bonnes idées, tu sais. Dites toujours, pépère, ça peut pas être pire que le néant total qui m'habite. Hein? C'est quoi vos idées, pépère? Ben, mon jeune, ça sera comme qu'il dira l'histoire d'un beau bonhomme de vers la fin des années 30. Beau, fort comme un cheval, un brin ratoureux sur les bords, il est pogné pour abandonner sa blonde. Un beau brin de fille, dentelière de son métier, pour aller à la guerre. Ça fait que... Dites, pépère, ce ne serait pas votre histoire, ça? Mon histoire? Ben, pas en tout. Qu'est-ce que tu racontes, mon jeune? Je disais pas pareil, pas en tout. Ah bon? Vous me fâchez pas, là, je disais ça comme ça. C'est juste que le beau bonhomme, la dentelière, la guerre... Si t'avais pas de mes bonnes idées, mon jeune, dis-moi les tout de suite. Je ramasse les patates que tu vas me passer, puis je m'en vais. Mais non, pépère, mais non. Des patates? Quelles patates? Les patates que ma mère a besoin de son ragoût, cette affaire. Mais tu me les donnes-tu ou ben non, tu me les donnes pas? Bien sûr, pépère, bien sûr. Je reviens tout de suite. Ich! Il a l'humeur mal équarrie aujourd'hui, notre pépère. Parti bien! Mais où vas-tu arranger comme ça? Il n'y a vraiment pas de quoi rire. J'ai décidé de devenir un écrivain. Un vrai. Tu as décidé de te costumer pour l'occasion? Tu es venu pour te payer ma gueule? Ben, c'est tout semaine de te retourner. Mais non. En fait, je suis venu te montrer un truc exceptionnel que j'ai trouvé sur le web. Tu as devant toi l'unique distributeur de la Wing Around pour tout l'Amérique du Nord. Et la voici. Tadam! Un éventail? Un éventail? Mais non! Mais ça n'a rien à voir avec un éventail! Ah bon? J'aurais pourtant cru. La forme d'un éventail, le matériau semblable à celui d'un éventail, le fait que tu l'aies ouvert comme un éventail... Oui, bon, maintenant que tu dis, c'est vrai que ça ressemble très légèrement à un éventail. Mais crois-moi, ça n'a rien à voir. Très bien, alors, qu'est-ce que c'est? Une Wing Around! Et qu'est-ce qu'une Wing Around, demanderas-tu? Une Wing Around est une invention extraordinaire. Une aile portative qui te permet de voler. Si, voler comme un oiseau d'un endroit à un autre. Fini les embouteillages. Fini les attentats interminables devant les ponts. Fini les coups de klaxon intempestifs. Fini de frôler la mort à chaque instant dans ta boîte à savon. Avec la Wing Around, tu as un rendez-vous à 15h. Tu sors tranquillement sur ton balcon vers 14h50. Tu piges l'âme en paix. Ta Wing Around de ta poche, la déplie d'un coup sec, la tient fermement tout en battant vigoureusement les bras quelques instants et zou! Tu es parti! Arrivé au rendez-vous à 14h53 et les poussières, serein, frais, dispo et sourire aux lèvres. Et ça fonctionne? Très bien! Du moins, en théorie. Semblait aussi. La vidéo tournée en Mongolie intérieure, c'est là que se trouve le fabricant, et qu'on m'en fait parvenir avec la Wing Around est très éloquente. Si tu voyais tous ces Mongols qui voltigent allègrement, tu n'en douterais pas. Alors, qu'est-ce qui cloche? Je crois que je n'ai pas encore trouvé le balcon adéquat. C'est pourquoi j'ai songé à toi. Tu possèdes un charmant balcon. Et pour un généreux pourcentage et profit faramineux que je ferai un jour sur la Wing Around, disons 0,5%, je t'engage comme pilote d'essai. Oh, attends un petit peu. Une minute. Si je comprends bien, là, pour un pourcentage ridicule... Tu veux que je saute de mon balcon avec ton éventail? Oui, bon, dit comme ça. Bon, allez, je suis mon prince. Je t'offre 0,75%. Sais-tu, t'es bien gentil, là, mais je vais passer mon tour. Tu en es sûr? Une telle offre ne se présentera pas deux fois. J'espère bien. Tout à fait certain. Mais si tu le désires, je te prête mon balcon. Gratuitement. Oh, sans façon. Du moins, pas tant que je n'aurai pas trouvé un pigeon, un pilote. Comme tu dis. Puisque je ne puis te convaincre, je file. On m'attend à la station. Une aile volante? Cet éventail? Pff, c'est du vent, oui. Thank you. c'était Wings de Christian Martin, interprété par le Newport Orchestra. Vous voulez devenir pilote d'essai? Contactez... Il tient à son pilote, notre annonceur de malheur. Bon, avec tout ça, je n'ai toujours pas d'idée pour mon œuvre magistrale. C'est étrange, mais le casque de bain ne semble pas beaucoup aider. Du calme, Madame Coudon, du calme! Mon doux, est-ce bien vous, Monsieur Courtemèche? Évidemment. Oh, vous m'avez fait une de ces peurs. Je vous ai pris pour un de ces gangsters que l'on voit dans les films avec leurs grands manteaux tout poussiéreux. Mais pourquoi une telle tenue qui vous désavantage à ce point? J'ai décidé de devenir écrivain. Un vrai. Un vrai de vrai, Monsieur Courtemèche? Un vrai de vrai qui écrit des livres? Un vrai de vrai, Madame Coudon. Oh, c'est merveilleux. Et quel est le sujet de votre premier roman? Car vous écrirez bien des romans, n'est-ce pas? Oh, de beaux romans d'amour entre un artiste, un poète peut-être, et une femme un peu mûre qui consacre sa vie aux causes nobles. Ah, oh, comme c'est beau! Oh, cause noble. Oh, ça me fait songer que je suis venue vous voir pour vous parler d'une cause exceptionnelle, Monsieur Courtemèche, sur laquelle il faut se pencher immédiatement. Et quelle cause est-ce là, Madame Coudon? La stérilité galopante chez les chamelles de Sibérie de plus de 33 ans. Imaginez, Monsieur Courtemèche, ces pauvres mamans chameaux privées du plaisir d'enfanter. Quelle tristesse, quelle calamité. Comme je les comprends. Vous les comprenez, Madame Coudon? Je veux dire que je sympathise. Oui, c'est ça, je sympathise avec elle. 33 ans, ce n'est pas un peu vieux pour enfanter. Oh, Monsieur Courtemèche, 33 ans, c'est tout jeune. C'est la fleur de l'âge. Je veux dire, pour une chamelle. Oh, pour une chamelle aussi. Sinon, pourquoi le docteur Harpy m'aurait-il approché pour que j'organise pour lui une grande levée de fonds? Pourquoi, en effet? Quoi qu'il en soit, j'organise une grande levée de fonds pour ces pauvres chamelles. Vous participerez bien à un tantinet, Monsieur Courtemèche, pour les pauvres chamelles de Sibérie. Ce serait avec plaisir, Madame Coudon, mais je suis un peu serré depuis que j'ai décidé de devenir un vrai écrivain. Mais je vous promets que dès que j'aurai fait mon premier million... Oh, je comprends, Monsieur Courtemèche. Laissons l'argent aux âmes vulgaires. Vous êtes un artiste, vous. Un vrai. Oh, je suis si heureuse que vous vous soyez mis au grand roman d'amour et que vous ayez renoncé à cette rubrique ridicule et si indigne de vous. Quoi? Bon, je vous accorde que les sujets qu'on me confiait n'étaient pas toujours à la hauteur. Mais ridicule, ma chronique, vous y allez un peu fort. Que nenni, Monsieur Courtemèche, elle était tout à fait ridicule. Et surtout, et c'est ce qu'il faut retenir, indigne de vous. Si, si, indigne de vous. Vous, un grand auteur. Oh, je vous l'assure. Et j'ai plaisir à vous le dire maintenant que vous l'avez abandonné aux oubliettes de l'oubli. Désormais, plus rien ne se dresse entre vous et la gloire. Imaginez, dans toutes les bonnes librairies, Paul Courtemèche, la femme qui lui a tourné la tête. Ah, que c'est beau, que c'est romantique. Vous me confierez votre premier jet, n'est-ce pas, Monsieur Courtemèche? Je tiens absolument à être votre toute première lectrice. J'y tiens absolument. Au revoir, Monsieur Courtemèche. Non, mais ridicule, ma chronique. Pour qui se prend-elle, la mère Coudon? T'as entendu, Picard? Selon Madame Coudon, ma chronique serait ridicule. Ridicule! Ma chronique! C'est dit, je renonce à mon grand rêve. Du moins, pour le moment. Fini les épopées, les belles phrases et le prix du gouverneur général. Ô monde cruel et libraires opportunistes, vous serez privés pendant quelque temps encore des trésors d'un de vos plus talentueux créateurs. Adieu, robe de chambre en ratine et casque de bain trop serré pour ma pensée. Je ne saurais vous regretter. Bon, c'est pas tout ça. J'ai encore une remorque de chronique à écrire, moi. Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vos interprètes Carole Bassani dans le rôle de Madame Coudon, Gabriel Jean dans les rôles de Pépère et de l'annonceur, et Christian Martin dans les rôles de Paul Courtemèche et du témoin. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright.